De la psychologie de saint Augustin. Chapitre 8. 1 à 3. De l'imagination. Malgré le rôle important et hautement avoué de l'imagination dans la vie humaine, et malgré les travaux remarquables dont elle a été l'objet à diverses époques, il est peu de facultés dont la nature soit restée plus indéterminée et plus indécise. Les uns en ont fait le pouvoir de reproduire purement et simplement les données des sens, d'autres celui de les combiner d'une manière capricieuse et fantastique, d'autres enfin celui de les coordonner conformément aux lois du goût et aux exigences de la raison. Il semble que le caractère divers et ondoyant des productions dans lesquelles cette faculté se joue, se retrouve jusque dans les théories auxquelles elle a donné lieu. Saint Augustin essaya, non sans succès, de bien comprendre cette faculté et d'en fixer la notion. Avant lui, on la regardait uniquement comme une faculté intermédiaire entre les sens et la mémoire, et qu'on aurait pu définir, la mémoire moins la reconnaissance et moins la notion du temps. Que fit saint Augustin? Tout en laissant à l'imagination la fonction de conserver les idées, il lui attribua celle de combiner de mille manières ses idées et les autres phénomènes de l'âme, et d'enfanter des créations sans modèle dans la réalité. Il plaça l'imagination, non plus seulement entre les sens et la mémoire, mais entre la mémoire et l'entendement. Il comprit qu'au-dessus des facultés qui acquièrent ou conservent, il en est une qui s'empare des matériaux à qui est conservée pour en former des composés nouveaux. À la théorie de l'imagination représentative, telle qu'Aristote l'avait établie, il ajouta celle de l'imagination créatrice, telle qu'on la comprend aujourd'hui. C'est à lui et non pas à Descartes, comme on le croit généralement, qu'il faut faire honneur de cette innovation, et c'est là une des vues vraiment originales de la psychologie augustinienne. Que, saint Augustin considère l'imagination comme représentative ou comme créatrice, il la distingue profondément des sens, de la mémoire et de l'entendement. L'exercice des sens implique trois choses, un objet à percevoir, des sens pour le percevoir et une volonté qui applique ces sens à leur objet, de manière à produire la perception. L'objet, nous l'avons dit ailleurs, est corporel, les sens mixtes et la volonté spirituelle. L'exercice de l'imagination suppose également trois principes distincts, mais d'une distinction moins profonde, puisqu'ils ont pour sujet commun l'âme elle-même. Ces principes sont l'image de l'objet sensible, telle qu'elle a été conservée dans la mémoire, l'imagination par laquelle cette image est saisie, et la volonté qui tient l'imagination fixée sur l'image. Ainsi, ce qu'un corps situé dans un lieu est au sens corporel, l'image contenue dans la mémoire l'est à l'imagination, et ce que la modification éprouvée par celui qui regarde est au corps regardé, la modification éprouvée par celui qui imagine l'est à l'image que la mémoire contient. De même que le corps est distinct de l'idée que les sens nous en donnent et pourrait exister sans elle, de même l'idée sensible est distincte de celle qu'en tire notre imagination, et pourrait exister dans notre mémoire, lors même que notre imagination n'opérerait point sur elle. De la Trinité, livre 11 chapitre 2 et suivant. On entrevoit déjà la différence que saint Augustin établit entre l'imagination et la mémoire, mais le point capital de sa doctrine est plus nettement développé dans la page suivante, où il montre admirablement que la mémoire représente les choses telles qu'elles nous sont apparues, soit pour la quantité, soit pour la qualité, et que l'imagination les modifie et les multiplie de mille manières. Nous ne pouvons nous rappeler les formes des corps, sans nous rappeler leur nombre, leur grandeur et la manière dont elles ont affecté nos sens, car c'est par le moyen des sens que notre âme les a imprimés dans notre mémoire. Quant aux représentations de l'imagination, il est vrai qu'elles sont formées des éléments qui sont dans la mémoire, mais elles se multiplient et varient à l'infini. Ainsi, je me souviens d'un seul soleil, parce que je n'en ai vu qu'un seul, et qu'il n'y en a qu'un en réalité, cependant, si je veux, j'en imagine deux, trois, le nombre qu'il me plaît. Mais c'est cette même mémoire par laquelle je me souviens d'un seul, qui informe le regard de mon esprit quand j'en imagine plusieurs. En outre, je me le rappelle aussi grand que je l'ai vu. Cependant, je l'imagine à volonté plus grand ou plus petit. Ainsi, je me le rappelle dans l'état où je l'ai vu, mais je l'imagine courant comme je veux et s'arrêtant où je veux, venant d'où je veux et allant où je veux. Il m'est, en outre, facile de l'imaginer carré, bien que je me le rappelle rond, de n'importe quelle couleur, bien que je n'ai jamais vu le soleil vert, et que, par conséquent, je ne me le rappelle pas ainsi, et ce que je dis du soleil, il faut le dire de tout le reste. De la Trinité, Livrons chapitre 8. Quant à l'entendement, il se distingue à la fois des sens, qui perçoivent les corps situés dans l'espace, et de l'imagination, qui saisit leurs images au fond de l'esprit. C'est une faculté souveraine qui juge, non seulement des corps, mais de leur simulacre eux-mêmes, et qui leur dit, « Vous n'êtes pas ce que je cherche, vous n'êtes pas ce principe de coordination par lequel je mets chacun de vous à sa place, par lequel je juge de votre beauté et de votre laideur, principe plus beau, sans comparaison, que les choses auxquelles il sert de règle et de mesure, et que je place au-dessus de vous et de tous les corps dont je vous ai tiré. » De la vraie religion, chapitre 39. Jamais peut-être, avant saint Augustin, on n'avait aussi bien caractérisé l'imagination, ni montré aussi clairement comment elle se distingue, soit des sens et de la mémoire qui lui fournissent ses matériaux, soit de l'entendement qui lui fournit son idéal et sa règle, et avec lequel on la confond encore quelquefois aujourd'hui. Un des penseurs les plus éminents de notre époque, Monsieur Vachereau, lui attribue, en effet, la connaissance du beau, sans réfléchir que nos facultés se mêlent d'ordinaire, dans leurs jeux multiples et variés, et se pénètrent réciproquement, si bien qu'il faut savoir faire le départ, dans les phénomènes complexes qui en découlent, de ce qui appartient à l'une et de ce qui est du domaine de l'autre. Les conceptions de la raison, pour gouverner telle ou telle de nos facultés, n'en sont pas les produits. De ce que la sensibilité a pour objet tantôt l'idée du bien, tantôt celle du beau, tantôt celle du vrai en général, on n'en conclut pas qu'elle les engendre, de ce que la volonté a l'idée du bien pour terme et pour règle dans ses actes divers. On n'en infère pas quelle est la faculté de connaître le bien. Il faut raisonner de la même manière sur l'imagination. L'idée du beau l'éclaire et la dirige, mais cette idée n'en vient pas plus que celle de l'utile ou du vrai, qui parfois aussi servent de but à son action, autrement il y aurait deux facultés de connaître au lieu d'une. La sensibilité, la volonté, l'imagination existe dans l'animal comme dans l'homme. Si elles affectent dans ce dernier un caractère à part, Cela tient évidemment à ce qu'elles sont modifiées en lui par une autre faculté que l'animal ne possède pas, et qui imprime sa forme à la matière qu'elles lui fournissent. C'est parce que l'animal possède l'imagination sans la raison, la matière sans la forme, des représentations flottantes sans un principe régulateur qui les coordonne en vue d'un but déterminé, que l'animal ne fait pas de progrès et reste constamment stationnaire. L'homme, au contraire, ayant la raison qui lui fournit les conceptions d'utilité, de vérité, de beauté et d'autres semblables, peut faire servir à leur réalisation de plus en plus complète les données que l'imagination lui offre, et travailler, avec un succès croissant, à l'amélioration de son sort, au développement de la science et au perfectionnement des arts. Ce rôle de la raison dans les productions de l'imagination est si réel et si incontestable que si, pour une cause ou pour une autre, elle vient à s'éclipser, comme cela arrive dans l'ivresse, dans le rêve, dans le délire. Durant cet interrègne du pouvoir régulateur, l'imagination n'enfante que des créations informes et monstrueuses. Ce n'est pas qu'elle ait rien perdu de sa puissance, elle en a autant, et quelquefois plus qu'à l'ordinaire, mais c'est qu'elle agit seule et sans avoir pour règle ses idées du beau, du vrai ou du bien qui lui venait d'ailleurs. Des sens, de l'imagination et de l'entendement dérivent, suivant saint Augustin, trois espèces de représentations ou visions qu'il importe de ne pas confondre, et dont la réunion constitue l'ensemble de la connaissance humaine. Les représentations corporelles, les représentations spirituelles et les représentations intellectuelles. Augustin identifie l'esprit avec l'imagination, et en fait la cause et le sujet des images qui ont été tirées des images sensibles. Il réserve le nom d'intellect ou d'entendement à cette partie de l'âme qui n'a rien de commun avec les sens. De la Genèse au sens littéral, livre 12 chapitre 9. Quant à la mémoire, les phénomènes qui en découlent ne sont pas, à proprement parler, des visions, et ce n'est point le nom qu'on leur donne dans la langue ordinaire. De la Trinité, livre 11 chapitre 9. Voici un exemple dans lequel ces trois sortes de représentations sont réunies. Quand on lit ces mots, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on voit corporellement les lettres, on se représente spirituellement, c'est-à-dire en imagination, le prochain, et on aperçoit intellectuellement l'amour. On peut aussi se représenter spirituellement les lettres absentes et voir corporellement le prochain présent, mais l'amour ne peut ni être revu en lui-même avec les yeux, ni être représenté dans l'esprit par une image semblable au corps. Il ne peut être connu et perçu que par l'âme raisonnable, c'est-à-dire par l'entendement. De la Genèse au sens littéral, livre 12 chapitre 11. Les premières représentations sont celles par lesquelles nous percevons le ciel, la terre, la mer et les autres objets extérieurs quand ils sont en notre présence, les secondes, celles par lesquelles nous nous figurons les mêmes objets, soit tels que nous les avons vus, soit en les modifiant à volonté quand nous en sommes éloignés ou que nous sommes dans les ténèbres. Les troisièmes ne sont pas proprement des représentations, elles sont les choses que nous saisissons, non dans leurs images, mais en elles-mêmes. De la Genèse au sens littéral, livre 12 chapitre 6. Ce qui a été perçu dans la vision corporelle est transmis à la partie spirituelle ou imaginative de l'âme. C'est là, remarque très bien saint Augustin, que s'arrête la connaissance dans les animaux, mais dans l'homme elle va plus loin. Ce que les sens ont transmis à l'imagination, l'imagination le transmet ensuite à l'entendement, pour lequel les images, soit corporelles, soit spirituelles, ne sont autre chose que des signes dont il s'agit de pénétrer le sens. Saint Augustin éclaircit cette idée par un exemple remarquable. Balthazar voit avec les yeux du corps une main tracer des caractères sur le mur de la salle du festin. Voilà la vision corporelle. Cette main se retire et ses caractères s'effacent, mais Balthazar continue à les voir en esprit. Voilà la vision spirituelle. Enfin, Daniel comprend quelle idée est exprimée par ces caractères mystérieux, voilà la vision intellectuelle. De la Genèse au sens littéral, livre 12 chapitre 11. Sans doute, en distinguant ainsi l'imagination des autres facultés qui concourent à la connaissance, et en distinguant les idées qui en dérivent de celles qui se rapportent au sens et à l'entendement, Saint Augustin n'a point fait une distinction entièrement nouvelle. Avant lui, Aristote avait montré admirablement comment l'imagination s'appuie sur la sensibilité, et l'entendement sur l'imaginative, bien qu'il eût un peu diminué le rôle de cette dernière. Mais on ne saurait nier que Saint Augustin n'ait heureusement modifié cette théorie, et qu'il ne l'ait exposée d'une manière à la fois précise et intéressante. D'un autre côté, il est probable que la lecture de ces ouvrages n'a pas moins contribué que celle des ouvrages du Stagirite, à vulgariser cette doctrine au XVIIe siècle, car enfin, la division des idées en idées adventices, en idées factices et en idées innées, telle qu'on la trouve dans Descartes, ressemble singulièrement à celle que nous venons de voir. Qu'est-ce que les idées adventices, sinon les représentations corporelles? Qu'est-ce que les idées factices, sinon celles qu'Augustin nomme spirituelles et qu'il fait dériver de l'imagination? Qu'est-ce que les idées innées, si ce n'est les idées intellectuelles? Descartes comprend, en effet, sous la dénomination d'idées innées, comme saint Augustin sous celle d'idées intellectuelles, les idées qu'on rapporte aujourd'hui à deux facultés distinctes, au sens intime et à la raison, de sorte que les deux théories se ressemblent jusque dans leurs défauts. Mais le branche, à son tour, admet, dans sa théorie de la connaissance, les trois facultés décrites par saint Augustin, et reproduit ses expressions elles-mêmes. Sens, imagination, entendement pur, ce sont là les noms que leur donne le philosophe de l'oratoire, comme l'évêque d'Hippone. Mais l'imagination est-elle seulement distincte des sens? N'en serait-elle pas indépendante? Nébride, qui était, à ce qu'il paraît, un esprit très curieux et très subtil, se préoccupait fort de cette question et consultait là-dessus son ami Augustin à peu près en ces termes, au lieu de prétendre que l'imagination tire toutes ses représentations des sens, pourquoi ne pas dire qu'elle les tire d'elle-même? Quel est le rôle des sens dans les opérations de l'entendement? Celui de simple moniteur. Ils l'avertissent de considérer en lui-même les intelligibles, mais ils ne les lui fournissent pas. N'en serait-il pas ainsi en ce qui concerne l'imagination? Les sens ne se borneraient-ils pas à la mettre en éveil, et à l'avertir de contempler les images qu'elle produit de son propre fond et qu'il ne saurait lui donner? De là vient peut-être que l'imagination saisit des choses qui échappent au sens, ce qui n'arriverait pas, si elle n'avait pas comme un fond d'image qui lui fût propre. Lettre 6. Augustin se refuse absolument à admettre cette opinion, et combat vivement les raisons par lesquelles son ami cherchait à la faire prévaloir. Si l'âme, dit-il, peut imaginer les corps sans les avoir perçus, comme les modifications propres à l'âme sont supérieures à celles qui lui viennent de ses sens trompeurs, les pensées d'un homme qui dort ou qui délire doivent être mises au-dessus des pensées d'un homme éveillé et bien portant. Ainsi, le soleil qu'on voit dans le rêve et dans la folie sera plus vrai que celui qu'on voit dans l'état de veille et de santé. Ses conséquences étant absurdes, il faut rejeter le principe dont elle découle. Lettre 7. Ailleurs, Augustin revient sur cette question de l'indépendance de l'imagination, et établit d'une manière admirable que l'exercice de l'imagination présuppose celui de la mémoire. Qu'on lise ce remarquable morceau, et qu'on dise si l'imagination a jamais été mieux décrite, et si ses rapports avec la mémoire ont jamais été mis dans un plus beau jour. Si nos souvenirs, dit-il, n'ont pour objet que nos sensations, et si nos imaginations n'ont pour objet que nos souvenirs, d'où vient que nos imaginations sont si souvent fausses, quand nos souvenirs, se rapportant à nos sensations, ne sauraient être entachés d'erreurs? C'est que la volonté, qui unit et sépare les phénomènes de ce genre, comme j'ai lâché, autant que j'ai pu, de le faire voir, conduit à son gré l'imagination dans les champs les plus reculés de la mémoire, et la pousse à imaginer ce qui échappe au souvenir, à l'aide de ce qui lui fournit, et en prenant ça et là les éléments dont elle se sert. Ces éléments s'unissent en une seule représentation, et forme une conception qu'on peut appeler fausse, puisqu'elle n'a point au dehors, dans la nature des choses corporelles, de réalité qui lui corresponde, et qu'elle ne paraît point tirée de la mémoire, car nous ne nous souvenons pas d'avoir rien senti de tel. Qui a jamais vu un signe noir? Qui, par conséquent, s'en souvient, et cependant, qui ne peut en imaginer un? Il nous est facile, en effet, de recouvrir cette forme que nous avons perçue par la vue, d'une couleur noire que nous avons vue aussi, mais dans d'autres corps, car cette forme et cette couleur ayant toutes deux frappé nos sens, nous nous souvenons de l'une et de l'autre. Je n'ai pas de souvenir d'un oiseau à quatre pieds, parce que je n'en ai jamais vu, mais je n'éprouve pas la moindre peine à me mettre devant les yeux une image de ce genre. Je n'ai besoin pour cela que d'ajouter à un volatile quelconque, tel que je l'ai vu, deux autres pieds, tels que ceux que j'ai également vus. C'est pourquoi, quand nous imaginons réunies les choses dont nous nous souvenons pour les avoir vues séparées, nous avons l'air de ne pas imaginer au moyen de nos souvenirs, bien que ce soit notre mémoire qui préside à cet acte, et que nous lui empruntions les matériaux que nous combinons de mille manières différentes et à notre fantaisie. De la Trinité, livrons chapitre 10. Pour mieux apprécier cette belle analyse de l'imagination et de ses lois essentielles, qu'on la rapproche de ce que les modernes ont écrit de plus remarquable sur ce sujet. Qu'on relise, par exemple, le morceau justement admiré de l'essai sur l'entendement humain, livre 2 chapitre 2, où Locke fait si bien voir que notre empire sur le petit monde de l'entendement ressemble à notre empire sur le grand monde qui nous environne, en ce qu'il nous est bien plus facile de combiner les éléments qui nous sont offerts que d'en créer de nouveaux. On verra que le philosophe anglais reste inférieur au philosophe africain pour la richesse des détails, sans le surpasser pour l'exactitude de la doctrine. Saint Augustin ajoute au tableau précédent quelques traits qui valent la peine d'être reproduits. Nous ne pouvons pas, dit-il, Imaginez, sans le secours de la mémoire, les grandeurs corporelles que nous n'avons jamais vues. En effet, tout l'espace que peut embrasser notre regard dans l'immensité du monde, nous y déroulons la masse des corps, quand nous voulons les imaginer avec toute l'étendue possible. La raison va encore plus loin, mais l'imagination ne la suit pas, car la raison nous révèle l'infinité des nombres, et aucune représentation de l'imagination, appliquée aux choses corporelles, ne saurait la saisir. La même raison nous enseigne que les corps, même les plus exigus, se divisent à l'infini, cependant, lorsque nous sommes arrivés aux corpuscules les plus petits, les plus imperceptibles que nous nous souvenions d'avoir vus, nous ne pouvons nous représenter des images plus subtiles et plus délicates, bien que la raison ne cesse de poursuivre le cours de ces subdivisions. Ainsi, nous ne pouvons rien imaginer de corporel que les choses dont nous nous souvenons, ou d'après les choses dont nous nous souvenons. De la Trinité, livre 11 chapitre 40. N'y a-t-il pas quelque chose d'extrêmement ingénieux dans cette espèce d'équation que saint Augustin établit entre les représentations de l'imagination et les perceptions des sens? N'y a-t-il pas quelque chose de profondément vrai dans la supériorité qu'il accorde aux conceptions de l'entendement pur sur les données de cette même imagination, en ce qui concerne leur portée et leur étendue respective? Cette idée ne contient-elle pas en germe la doctrine si clairement exposée par Descartes et les solitaires de Port-Royal à l'encontre de Hobbes? Que l'on se souvienne des passages bien connus où ces philosophes montrent que nous ne saurions imaginer une figure de mille côtés, et que, si nous cherchions à le faire, la figure que nous imaginerions serait tellement vague et confuse qu'elle pourrait avoir 10 000 côtés aussi bien que 1 000, tandis que nous concevons très facilement une figure de ce genre, c'est-à-dire que nous en déterminons très nettement les propriétés. N'est-ce pas là abonder dans le sens de saint Augustin, et admettre avec lui que l'imagination va moins loin que la raison? L'inspiration augustinienne n'est pas moins sensible dans certaines pages de Malebranche. On n'a qu'à relire, pour s'en convaincre, son étrange et admirable chapitre sur les erreurs de la vue et sur la divisibilité à l'infini. Il y parle plusieurs fois de l'imagination comme d'une faculté qui ne peut suivre la raison dans ses conceptions les plus claires et les plus positives, et qui est toujours prompte à s'en effaroucher. L'imagination, dit-il, se perd et s'étonne à la vue d'une si étrange petitesse, elle ne peut atteindre ni se prendre à des parties qui n'ont point de prise pour elle, et, quoique la raison nous convainque de ce qu'on vient de dire, les sens et l'imagination s'y opposent, et nous obligent souvent d'en douter. On n'y voit qu'infinité partout, dit-il plus loin, et non seulement nos sens et notre imagination sont trop limités pour les comprendre, mais l'esprit même, tout pur et tout dégagé qu'il est de la matière, est trop faible et trop grossier pour pénétrer le plus petit des ouvrages de Dieu, il se perd, il se dissipe, il s'éblouit, il s'effraie à la vue de ce qu'on appelle un atome selon le langage des sens. Malebranche, Recherche de la vérité, livre 1er chapitre 6. Saint Augustin reproduit dans plusieurs de ses ouvrages cette brillante peinture de l'imagination et de ses rapports avec la mémoire. Il ne varie pas sensiblement le fond de ses idées, mais il les exprime chaque fois sous une forme différente, les ornant sans effort de quelques vives images, de quelques traits inattendus que lui fournit libéralement cette même imagination dont il retrace le tableau. Imaginez, dit-il dans une de ses lettres à Nébride, c'est donc tout simplement diminuer, agrandir, modifier enfin d'une manière quelconque les images fournies par les sens et conservées dans la mémoire. Étant donné l'idée d'un corbeau, qui me représente ce volatile comme s'il était là devant mes yeux, je puis, par une série d'additions et de retranchements, en faire une idée qui ne corresponde à rien de ce que j'ai vu. C'est ainsi que l'imagination arrive, en supprimant ceci, en ajoutant cela, à créer au-dedans de nous des objets que nous n'avons vus nulle part dans leur totalité, mais dont nous retrouvons partout au dehors les éléments constitutifs et comme les membres épars. Bien que nous soyons nés et que nous ayons été nourris dans l'intérieur des terres, nous pouvions dès nos jeunes années et à l'aspect d'une simple coupe pleine d'eau, nous représenter le vaste sein des mers. Nous n'avions besoin pour cela que d'agrandir une image déjà présente à notre esprit. Mais nous n'aurions pu, avec la meilleure volonté du monde, imaginer le goût des fraises avant d'être venu en Italie, parce qu'on ne peut imaginer que d'après ce que l'on a senti et d'après ce que l'on se rappelle. Voilà pourquoi ceux qui ont été aveugles dès leur enfance, quand on les interroge sur la lumière et sur les couleurs, ne savent que répondre, ils ne peuvent se représenter des images qu'ils n'ont jamais perçues. Lettre 7. Saint Augustin s'adresse à ce sujet une objection qu'on ne trouvera peut-être pas fort spécieuse, mais dans la solution de laquelle il déploie un rare talent d'observation psychologique. Quand, dit-il, on me raconte une histoire véritable, et que je m'en représente les différents détails, il semble que ce n'est pas dans ma mémoire, mais dans le récit du narrateur que mon imagination puise les matériaux qu'elle met en œuvre. Or c'est là une erreur que moindre réflexion suffit à dissiper, je ne pourrais pas même comprendre le narrateur, si je ne me souvenais pas du genre de chacun des objets dont il parle, bien qu'il ne se soit jamais offert à mes yeux groupés comme ils le sont dans son récit. Quand on me parle d'une montagne dépouillée de forêts et couverte d'oliviers, je ne puis savoir ce que l'on me dit, qu'à la condition d'avoir dans ma mémoire, d'une manière générale, l'idée de montagne, l'idée de forêt et l'idée d'olivier. Sans cela, ces mots seraient de vains sons, qui n'éveilleraient dans mon esprit aucune image. Je ne puis rien lire ni rien entendre, je ne puis ni raconter ce que j'ai fait, ni exposer ce que je me propose de faire, sans recourir à ma mémoire, et sans y puiser les images qui se succèdent alors dans mon esprit. De la Trinité, livrons chapitre 8, 9. Est-il rien de plus juste, de plus ingénieux, de plus fin que les observations qui précèdent? Augustin met parfaitement en lumière une chose trop peu remarquée. C'est que l'imagination n'agit pas seulement dans les grandes créations de la poésie et de l'art, mais encore dans les faits les plus humbles de la vie ordinaire. Nous ne pouvons rien dire ni rien faire, rien lire ni rien entendre, sans que notre imagination entre en jeu et emprunte à la mémoire les couleurs dont elle a besoin pour composer ses tableaux. Ce n'est pas seulement Homère qui a imaginé Achille, tous ses lecteurs en ont fait autant, et de tant d'images, il n'en est peut-être pas une qui ressemble à l'autre, ou qui reproduise exactement les traits de l'Achille réel. Augustin continue et établit très bien le rapport de dépendance qui existe entre l'imagination et la mémoire et les sens, les sens et les objets sensibles. Je ne saurais, dit-il, imaginer un son, une forme, une couleur, une odeur ou une saveur, sans me les rappeler, De même que je saurais me les rappeler sans les avoir auparavant sentis. Si, en matière de choses corporelles, il n'y a rien dans la mémoire qui n'ait été d'abord dans l'essence, il n'y a rien dans l'imagination qui n'ait été d'abord dans la mémoire. Ainsi, la forme du corps engendre, pour ainsi dire, celle des sens, la forme des sens, celle de la mémoire, la forme de la mémoire, celle de l'imagination, et chaque fois la volonté intervient pour unir la forme génératrice à la forme engendrée. Idem, de la Trinité, livrons chapitre 8, 9. On le voit, l'imagination créatrice, la grande et véritable imagination, qui avait été presque entièrement négligée par les philosophes anciens, et celle dont saint Augustin s'occupe de préférence, et à laquelle il rapporte la plupart de ses observations. Cependant il ne méconnaît pas pour cela, on a pu déjà le remarquer, cette forme plus humble de l'imagination qu'on nomme imagination représentative, et il lui conserve sa place dans la science. En effet, il admet dans l'esprit deux espèces d'images, qui tirent leur source de l'imagination, les unes conformes à leurs objets et qu'il nomme fantasia, les autres formées de la combinaison de ces dernières et qu'il appelle fantasias ou fantasmeta. Or il est facile de voir que les premières correspondent exactement à ce que Dugald Stewart nomme conception, et les secondes à ce qu'il appelle imagination, et que, si celles-ci relèvent de l'imagination créatrice, celles-là dépendent de l'imagination représentative. Les termes de saint Augustin sont d'une remarquable précision. Autre chose, dit-il, est l'image de mon père que j'ai vue, autre chose, celle de mon aïeul que je n'ai jamais vue. La première est une fantasia, la seconde un fantasma. Je trouve l'une dans ma mémoire, l'autre dans un mouvement de l'âme provoqué par les mouvements qui sont déjà dans ma mémoire. De la musique, livre 6 chapitre 11. Saint Augustin va plus loin. Non content d'avoir fait cette division si exacte, mais si simple, de l'imagination, il propose une division un peu plus compliquée, qui me paraît avoir aussi une assez grande valeur, et qui me semble contenir en germe ce qu'on a dit depuis de plus remarquable sur l'imagination considérée comme principe de la fiction et comme principe de l'idéal. Dans une de ses lettres à Nébride, il fait dériver de l'imagination trois espèces d'images, qui s'appliquent, les unes aux objets des sens, les autres à ceux de l'opinion, les autres à ceux de la raison, ce qui revient à reconnaître une imagination représentative, une imagination fantastique et une imagination rationnelle, si l'on veut bien me passer ces deux dernières dénominations. Seulement, il faut bien le dire, il s'exprime de manière à faire croire qu'il emprunte à un autre auteur cette division ingénieuse. Lettre 7. J'ai vu, ajoute Augustin, la figure d'un ami ou l'extérieur d'une ville, une chose qui existe encore, ou une chose qui n'existe plus. N'importe, l'image que je m'en forme est une image de la première catégorie. La seconde comprend les créations des poètes, c'est ainsi que je me représente Crémès ou Parménon, Énée ou Médée avec les serpents ailés attelés à son char. Elle comprend encore les allégories ingénieuses des philosophes et les sottes rêveries des fondateurs de religions, tels que le Phlégéton et les sept cavernes de la race de ténèbres. Elle comprend enfin les hypothèses des savants. C'est ainsi qu'ils disent, supposez que la Terre ait une forme carrée, et d'autres choses semblables. La troisième catégorie comprend les images qui réalisent les conceptions de notre entendement relatives au nombre et aux proportions. Si mon entendement a trouvé la vraie figure du monde, immédiatement mon imagination m'en offre une représentation plus ou moins fidèle. Si j'ai conçu dans mon esprit l'idée d'une figure de géométrie, aussitôt cette même imagination me l'offre réalisée dans une image. Mais, bien que les conceptions de l'esprit soient vraies, les images que l'on s'en fait ne laissent pas d'être fausses, ce qui revient à dire, si j'interprète bien la pensée d'Augustin, que l'idée de perfection conçue par la raison ne peut jamais être réalisée parfaitement, non seulement par les sens, mais encore par l'imagination elle-même. C'est là une proposition qui n'est pas moins incontestable dans le domaine des mathématiques que dans celui de l'art. Lettre 7. Si la division que saint Augustin établit entre les images est par elle-même digne de remarque, les détails dont il se sert pour la développer méritent aussi une sérieuse considération. Que de pensées, pour qui sait lire, dans les quelques lignes où il rattache à l'imagination, non seulement les œuvres de la poésie, mais encore les fables des diverses religions et les hypothèses de la science. C'est un programme auquel aujourd'hui même il y aurait peu de choses à changer, et dont il suffirait d'étendre et de varier les développements. Le rôle de l'imagination dans les sciences mathématiques n'est pas moins finement saisi, et les philosophes du XVIIe siècle n'ont eu qu'à s'inspirer des vues d'Augustin à ce sujet, pour s'élever aux idées ingénieuses dont ils ont souvent enrichi leurs ouvrages. Markendan Archivorg 2021, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.